Que faut-il faire? Que faut-il que je fasse? À quelle heure faut-il partir? À quelle heure faut-il que je parte? Où faut-il aller? Où faut-il que j'aille? Que faut-il choisir? Que faut-il que je choisisse? Pourquoi faut-il sortir? Pourquoi faut-il que je sorte? Que faut-il dire? Que faut-il que je dise? Où faut-il dormir? Où faut-il que je dorme? Où faut-il le mettre? Où faut-il que je le mette? Que faut-il lui dire? Que faut-il que je lui dise ?